Après un mec va m'entrer quitter, surtout la gagne une femme qui jaloux. La belle est si ouap et tout en terre, quoi ton bébé quand t'étais. Après un mec va m'entrer quitter, surtout la gagne une femme qui jaloux. La belle est si ouap et tout en terre, quoi ton bébé quand t'étais. Faut pas qu'on brutal, faut qu'on caresse. T'en sortir les soirs, faut pas miser toi. Il va dormir la paix surveillée. Il qu'on noie pas petit quand t'allais tout. Faut pas qu'on brutal, faut qu'on caresse. T'en sortir les soirs, faut pas miser toi. Il va dormir la paix surveillée. Il qu'on noie pas petit quand t'allais tout. Comme jalouse, pas jambla. Oh, pas jambla. Comme jalouse, pas jambla. Comme jalouse ma jambla, tête est ouverte. Comme jalouse ma jambla, oh ma jambla. Comme jalouse ma jambla, comme jalouse ma jambla, tête est ouverte. Comme jalouse ma jambla, oh ma jambla. Comme jalouse ma jambla. Thank you.